Chapitre 5e, le comble de l'illusion. Eh bien, ma chère enfant. Eh bien, ma tante. Vous voilà la nièce du capitaine du 100 000. La nièce par convenance. Par alliance. Non. Par adoption. Adoption, alliance, c'est tout un, ma chère enfant. Il a clairement exprimé quelles étaient ses intentions. L'œil de mademoiselle de Pellware brilla d'une étrange façon. Quelles intentions? Demanda-t-elle d'un ton ironique. « Vais-je vous expliquer ce qui saute aux yeux, pas aux miens ?»« Parce que vous ne raisonnez pas, étant trop jeune pour réfléchir et pour coudre deux idées ensemble. »« Le capitaine ne peut être votre oncle qu'à la condition de m'épouser. » Le rire irrité et méprisant de la jeune fille fit retentir les cloisons de la cabine. « Rire forcé, rire cruel, ha ha ha ha !»« C'est comique. »« Voilà votre maraude qui vous reprend, ma pauvre tante. »« Vous voulez vous remarier ?» C'est une monomanie. Et le rire vibrait avec une résonance qui déchirait les oreilles de Mrs. Morton fort douloureusement. Quand vous aurez fini, petite folle, protesta-t-elle. Ah, ma tante, laissez-moi rire aux larmes. N'êtes-vous pas folle? Vous, de 10 ans plus vieille que le capitaine. Oh, 10 ans. Pour le moins. C'est le comble de l'illusion. Enfin, pourtant, si les paroles ont un sens, le capitaine a des intentions très claires. Libre à vous de vous berner de cette chimère. Vous devriez vous souvenir de vos déconvenues. Vous vous êtes cru marié avec le capitaine Sabatier. Il a épousé une jeune veuve, votre amie. Et Master Ordener, il n'avait aucune vue sur vous, malgré ce que vous imaginiez. Ma pauvre tante, il a épousé votre cousine, et tant d'autres déceptions. Puis, implacable, vous avez dépassé l'âge où l'on se marie. Cessez donc d'être ridicule. Bonsoir, ma tante. Rire à bien qui rire à la dernière. Dit aigrement Mrs. Morton. Nous verrons. Pour moi, je suis sûr de rire la dernière. Mrs. Morton s'en alla, faisant claquer la porte en la tirant avec une mauvaise humeur évidente. Elle espérait quand même. Peu après, vivement, Mademoiselle de Pellware montait sur le pont et y trouvait le capitaine se promenant. Ils s'assirent sur la dunette en ce moment déserte. Capitaine, lui dit Mademoiselle de Pellware, nous voilà en famille, n'est-ce pas? Certainement. J'en suis aussi heureux que fier. Eh bien, entre bons parents, on se doit de la franchise. Je vous avertis donc qu'il faudra vous armer d'indulgence pour ma pauvre tante. Ah, vraiment? Quel est son défaut? Oh, une manie. Elle croit toujours dans un ami, voire un prétendant. Manie de veuve anglaise. Enfin, j'ai cru devoir vous en prévenir, parce que si quelque compagnon à nous se montre tout simplement poli pour ma tante, elle se croira l'objet d'une recherche matrimoniale. Au revoir, capitaine. Au revoir et merci. Bien élument prévenu, le capitaine fit une visite 2 heures après, sous le prétexte de demander si ces dames se préparaient. Il se montra d'une froideur rigide pour Mrs. Morton. Il prenait ce que l'on appelle une attitude. Mrs. Morton en ressentit un froid. Ce fut une douche, qui calma l'exubérance de ses sentiments. Mais comme il faut toujours qu'une femme se venge, la tante bouda la nièce avec affectation. Mademoiselle de Pellware n'y prit pas garde.